Pas chaud. Vas-y, baisse la culotte de cheval. Je vais t'enculer. Ça y est, j'y suis. Je la sens. Je t'encule. Je sens ta crotte, je te défonce. Je te défonce. Ah putain, facho, je sens ta queue. Ah, c'est la guerre d'Espagne. Oh, je vends ta peau. Ah, c'est l'armée rouge qui rentre dans Berlin. Ah, je t'encule. Je défonce ta crotte. Ah, c'est la voix faite les dans les ruines de Varsovie. J'accule. C'est le débarquement en Normandie. Paris brûle-t-il. Je demande dans ton cul. Tu la sens, ma camarade. C'est les obsèques du maréchal Pétain. Oh putain, t'as le cul bien crotté, dis donc. T'as le cul crotté, regarde. Ah, puis je t'ai fait saigner. Regarde ça, putain, facho. Regarde ma queue. Elle est pleine de merde et de sang. Ta merde et ton sang. C'est le hashtag en rue de ma queue, putain, facho, regarde ça. Et ton cul. Ah, ton cul, si tu voyais la gueule de ton cul, putain, facho, mon pauvre vieux. Si tu voyais la gueule de ton cul, on dirait la fosse commune à Auschwitz, carrément. La fosse commune à Auschwitz. Oh là là. Oh là là là là, les dégâts, les mecs.